Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. Et aujourd'hui, c'est une spéciale punk français avec comme fil rouge les Berruriers Noirs que tout le monde, absolument, on va dire tout le monde connaît. Donc ça a été un des plus grands groupes des années 80 qui ont commencé avec une cassette chez Visa qui était une petite merveille, qui se sont à mon sens un peu perdus au fur et à mesure en entrant dans une espèce de Barnum de cirque pas forcément terrible. Mais malgré tout, ça reste un groupe très marquant et on aura donc plein d'autres trucs du même genre. Allez, c'est parti! We'll be right back. l'histoire est pliée. Il faudrait peut-être passer à l'action. Les règles du jeu sont bien établies. D'un côté y'a nous, de l'autre ceux qui ont érigé des murs pendant que tu t'ennuies. Amas tes futurs sans motivation. Mais qu'est-ce que t'attends? Ouvre les yeux, la révolution ne sera pas podcastée. Mais qu'est-ce que t'attends pour foutre le feu à ta télé? Essence pétrifiée, on sera bon derrière. Passons Fuzzbury, les yeux au ciel. On sera bon derrière, passons Fuzzbury, les yeux au ciel. On sera bon derrière, passons Fuzzbury, les yeux au ciel. On sera bon derrière, passons Fuzzbury, les yeux au ciel. Les yeux au ciel. Les yeux au ciel. Les yeux au ciel. Aux abords de la ville, c'est la mort. T'as qu'à voir tous les chômeurs, espérer des jours meilleurs. Y'a pas que moi qui le crois, y'a pas que toi qui le vois. On arrive à un tournant et le virage c'est maintenant. Ils voulaient nous séparer, diviser pour mieux régner. Dans leur costume à la con, là le retour de bâton. Envoie-nous toute ta police, certain que tu veux la vise. Idée simple, croire absente, c'est qu'il faudrait qu'on s'y mette. Qu'on enjambe aux barricades pour une anacanacana. Qu'on enjambe aux barricades pour une anacanacana. Le jour où on sera ensemble, on foutra tout ça ensemble. On se frappe aux barrières, passons de se brûler. Les yeux au ciel, on se frappe aux barrières, passons de se brûler. C'est d'ailleurs une de ses forces, parce que finalement, il suffit de vieillir et de conserver une certaine activité pour finalement enrichir sa filmographie. Et c'est d'autant plus remarquable que Bellocchio, à la fin des années 2000, le rêve du papillon, par exemple, a traversé une période un peu d'incertitude stylistique, d'hésitation quant au contenu de ses films. Et puis tout d'un coup, à partir de La Nourrice, il a retrouvé une énergie qui passe par des films comme Vinci, avec un film absolument admirable sur l'époque fasciste et sur la figure de Mussolini, et depuis, à mon sens, il enchaîne des films remarquables dans lesquels il retrouve même son dernier film, Fait de beaux rêves, nous renvoie par certains aspects au rapport de l'enfant avec la mère qui était le cœur des Poings dans les poches. Donc c'est un cinéaste finalement d'une très grande cohérence et qui aujourd'hui fait un peu figure dominante. Il y avait à ses côtés des gens comme Scola, un peu plus âgé mais qui est décédé. Il y avait Olmi, il y a toujours Olmi mais qui quand même ne tourne plus. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le cinéaste de référence dans le cinéma italien qui marque à la fois l'histoire du cinéma italien et l'aspect contemporain de ce cinéma dans sa créativité. Vivre libre. dur, et que le futur entre quatre murs. Et quelle société pour les enragés, et quelle société pour les gueules cassées, et quelle société pour la tête brûlée, pour les agiter, pour les pénétrer, et quelle société pour les verrouiller, pour les défoncer, pour les détacher. La, la, la. Reflète mon image, je ne la reconnais pas.

Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le numérique, l'arrivée sur le marché du travail d'une jeune génération réputée soucieuse de son autonomie et le succès médiatique de l'entreprise libérée n'ont pas conduit à démocratiser les entreprises. L'économiste et statisticien Thomas Coutreau note au contraire que selon une récente enquête de la DARES, l'autonomie des salariés français, notamment les plus qualifiés, diminue clairement entre 1998 et 2016. Et c'est vrai dans toute l'Europe, à l'exception des pays scandinaves. Let's go. Qui peut le plus, peut le moins. Si la réception du minimalisme moral défendu par Ruven Ogien ne vérifie pas vraiment l'adage, elle engage une discussion essentielle et passionnante sur les conditions auxquelles les normes et les valeurs morales peuvent servir un projet politique émancipateur. I'm just thinking what I'm l'esprit a quitté mon corps, mon professeur m'a dit que c'était l'esprit d'Albert Einstein et qu'il avait parlé à travers moi pendant 7 à 10 minutes consécutives. Alles ist gut. Alles ist zerstört. Mach die Augen zu. Bitte. Bitte denke nicht. Denn alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Décembre 2018. Pour la deuxième fois consécutive, le mouvement des Gilets jaunes décide de se réunir à Paris aux abords des Champs-Élysées. Dès le début de la matinée, des incidents éclatent, annonçant une journée d'émeute sur la place de l'Étoile. Depuis la mi-novembre, des milliers de personnes ont revêtu leurs gilets de haute visibilité, entre guillemets, se regroupent sur les intersections un peu partout en France pour exprimer leur mécontentement à l'égard de la politique du président Emmanuel Macron. Déclenchée initialement contre la hausse des taxes sur les carburants et l'accumulation de difficultés sociales parmi les classes populaires vivant dans les zones rurales et la dégradation continue de la démocratie locale, la contestation s'étend rapidement à de grands types de revendications. La première portant sur une amélioration des conditions d'existence, avec une revalorisation du SMIC comme point de départ. La seconde, concernant une démocratisation plus importante de la société française, avec des aspirations fortes d'une meilleure représentation sociale. Pour la première fois depuis le début de son mandat, le président et son gouvernement doutent et reculent, confrontés à une nébuleuse sociale qui non seulement semble insaisissable, mais semble s'agréger jusqu'aux mouvements sociaux des banlieues des grandes villes, se consolider et se radicaliser à mesure que passent les semaines. que sa compagne et s'endort paisiblement, tandis que ses chiens la dévorent, tandis que ses chiens la dévorent. C'était la nuit noire, c'était la nuit noire. Il poignarde sa compagne et s'endort paisiblement, tandis que ses chiens la dévorent, tandis que ses chiens la dévorent. C'était la nuit noire, c'était la nuit noire. Et il poignarde sa compagne et s'endort paisiblement, tandis que ses chiens la dévorent, tandis que ses chiens la dévorent. C'était la nuit noire, c'était la nuit noire. Et il poignarde sa compagne et s'endort paisiblement, tandis que ses chiens la dévorent, tandis que ses chiens la dévorent. C'était la nuit noire, c'était la nuit noire, c'était la nuit noire, c'était la nuit noire, la nuit noire, la nuit noire, la nuit noire, la nuit noire, la nuit noire, la nuit noire, la nuit noire, la nuit noire. Shop. They said I better take anything they got. Do you wanna make tea at the BBC? Do you wanna be? Do you really wanna be a cop? Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to keep you up the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the army and I hate the RAF. Fighting in the jungle, you eat. I just live on savage food. I won't open that bomb for you. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the one that never knocked. Career opportunity, the one Thank you. Pascal Angèle, l'éthique intellectuelle n'est ni réductible à l'éthique tout court, ni une simple branche de l'épistémologie. Elle définit les normes qui fondent objectivement la correction des croyances. Dans son livre sur les vices du savoir, il montre que l'indifférence à l'égard de ces normes, que partagent à l'échelle planétaire tant de nos politiques, journalistes et universitaires contemporains, représente la forme la plus aboutie du vice intellectuel. Ce comportement n'est pas qu'un problème d'épistémologie ou de morale, il sape, dans la cité, la possibilité d'une démocratie véritable. Sur le dos. press 5. When you are finished recording, hang up, or for delivery options, press pound. La formule Petit Déjeuner des Champions est une marque déposée de la société General Mills, utilisée sur un produit de céréales pour petit déjeuner. L'utilisation d'une formule identique comme titre de cet ouvrage n'est pas destinée à signaler une quelconque association avec ou un mécénat de la part de General Mills, de même qu'elle n'est pas destinée à dénigrer la finesse de leurs produits. Banlieue, vie d'église, j'y arrive. disco, death to disco. Right on, right on, death to disco, death to disco. Right on, right on, disco, disco sucks. Johannesburg, that's the disco, disco sucks. Cash fight on Monday. Disco, disco sucks. Right on, disco, disco sucks. Hitler was right. Disco, disco sucks. Right on, right on, disco, disco sucks. Oh my gosh, what's on Monday? Disco. Dans le texte de synthèse du rapport de la Convention citoyenne pour le climat, on parle de dérèglement ou d'urgence climatique, mais pas de changement climatique. Sur ce sujet, comme sur la biodiversité et l'environnement en général, les mots ne sont pas neutres et transportent avec eux divers sens, dimensions et représentations, voire sous-entendus. Au point que le quotidien britannique The Guardian avait annoncé en mai 2019 changer son vocabulaire en matière d'environnement afin d'être plus en accord avec la réalité scientifique. Désormais, le guide de la maison recommande d'écrire notamment crise climatique et urgence climatique, plutôt que changement climatique. Expression jugée plutôt passive et douce par sa rédactrice en chef, Catherine Wiener, alors que ce dont les scientifiques parlent est une catastrophe pour l'humanité. Ce morceau est dédié aux Allemands de l'Est qui ont cassé le mur de Berlin. Cassons les murs. Alors maintenant, on vous attend à Fresnes pour casser les prisons. Pour tous les déserteurs de l'armée rouge. Pour tous les déserteurs de l'armée bleue. Pour tous les déserteurs de l'armée noire. J'ai la France, j'ai la patrie et j'ai les gens. Je suis un survivant, mes rouges soldats. Crois-le comme avant et suicide-toi. J'ai le pouvoir et j'ai les hommes. J'ai les lois et j'ai la force. Je suis survivant, les bleus soldats. Survivant et suicide-toi. J'ai l'armée et j'ai la guerre. J'ai les curés et j'ai la haine. J'ai les armes et j'ai les larmes. J'ai les jouets et j'ai les bombes. J'ai un survivant, mes noirs soldats. Survivant et suicide-toi. Socialiste, soviétique, cannabisme, militarisme. Manifeste, alternative réussie. Manifeste, manifeste, manifeste. Manifeste, manifeste, manifeste. Manifeste, manifeste. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Oh, okay. All right. All right. Oh, all right. All right. All right. Okay. All right. Someone called me Bondage because I used to wear a little suede miniskirt and bondage straps. So I became Becky Bondage. Stop with your bondage. Well, that's just telling everybody, isn't it? Yeah, I am. Well, I was very much at first, like the whip and all that was because blokes always dominated women, so I thought I'm going to dominate men instead. She's always going to be a punk, but to me, punk is totally control, you know, envelopes everything. That's what it is to me. Dabo, rocher inspiré, lieu de pèlerinage aux confins de l'Alsace et des Vosges. Le cadre bucolique et sylvestre d'un site jadis très familier au général de Gaulle de la traversée du désert d'avant 58. C'est ici que Helmut Kohl a tenu à rencontrer François Mitterrand. Dans une maison forestière, on ne peut plus simple, le président et le chancelier ont pu approfondir la communication téléphonique qui avait suivi le voyage à Moscou de Helmut Kohl. Leur thème de discussion s'imposait, les questions de sécurité est-ouest. Au début des années 80, le sol européen atteint un degré inédit d'armement. Les missiles SS-20 soviétiques font face aux missiles Pershing américains. réveiller ou bien continuer à vous massacrer avec brutalité. Et avec la santé, je me suis masturbé. Nous sommes égoïstes et bientôt fragiles dans ce monde purulent. Si j'ai pas mal à Arbeitsplätze, harmonisches Familienleben, Sozialpartnerschaft, steile Karriere, Zukunftsangst, Energiekrise, Umweltschmutz, Atomkraft, Existenzbedrohung, technischer Fortschritt, Vernunft, Krieg, Sicherheit, Liebe, Romantik, Anpassungsschwierigkeiten. Closet, come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Rebels or fighters, a license to kill. Unite with the bandits, stop on the hill. Open your windows, open your doors, open your minds to a freedom of thought. Viva la revolution. Viva la revolution. From the rich man's cast, this revolution won't be the last. Viva la revolution. Viva la revolution. Viva la revolution. Viva la revolution. Thank you. punks can be range from office workers to dustbin men, school kids. From the day you were born, you could be a punk, you know. It's just an attitude. You just got to have it or you haven't. Mm. I mean, punk to me wasn't just going out and disgusting people. It was having fun, you know. That's where it all means. Still having a laugh now. You know, gigs, they were the high points, you know. Going to gigs and enjoying yourself. The crowds are more appreciative now. They'll soon let you know if you're crap. Ils savent que la lutte sera longue et pénible. Ils n'ignorent pas que beaucoup d'entre eux, et les meilleurs, succomberont. Mais ils savent aussi que cette guerre implacable se terminera par leur victoire, parce qu'ils ont pour eux et avec eux ces armes invincibles. La vérité et la justice, soutenues par des convictions inébranlables. Puisse cette encyclopédie à laquelle les anti-autoritaires du monde entier ont donné de plein cœur leur précieuse collaboration, contribuer largement à la fécondité de cette victoire, en amenant à la petite armée des champions de la liberté de nombreuses et vaillantes recrues et en plaçant dans leurs mains l'armement qui leur est nécessaire. Merci! Les hommes se comportent comme les morts, les dommages en batterie, à des milliers de temps de mort. Pensez, pensez, nous sommes à l'heure des paradis, on y est aux prises sur des vies. Nous sommes dans un état de jade, et partout c'est le roi du vin. Pensez, pensez, pensez, pensez. Constitution organisée, plus d'évasion, j'ai renoncé, le tiers montrer les bonnes rimes. La danse au monde est chère. Massacré dans les abattoirs, oublié dans les laboratoires, marché dans les cigarettoires, prisonnier derrière ton pas loin. Et aussi les fumées en les fous du gouvernement, en Europe les robes de combi, en les bouchons des Allemands. Un homme chic, un temps morceau, et une armée qui part du bourreau, et ça se combattu à la violence, le temps devient plus tolérant. D'un côté système monétaire, de l'autre l'ombre militaire, pour finir en règle en bourse, à vous le sac de soi. Le Front National, la jeunesse en mer, le Front National. life is fun. I stand out here among the sheep. Hear me laugh out loud. This is why I cling to punk. This is why my life is fun. I stand out here among the crowd. Hear me laugh out loud. L'abdication est l'acte de quelqu'un qui renonce, volontairement ou de force, à quelque chose et en général à de hautes fonctions. On emploie aussi le mot abdication pour désigner l'acte de quelqu'un qui, cédant à des considérations d'intérêt, abandonne ses opinions ou fait litière de ses qualités morales. Exemple, abdication de toute dignité. Les politiciens sont les professionnels de ce genre d'abdication. Voici la liste des principales abdications historiques. Abdication de Saint-Sinatus, qui retourna deux fois sa charrue, 458 et 438 avant Jésus-Christ. De Sylla, 10 avant Jésus-Christ, qui se retira à Pouzolles. De Dioclétien, 305 de notre ère, qui se retira à Salone. Du pape Benoît IX, 1045 et 1048. Du pape Félix V, 1449. De Charles Quint, 1555. Qui alla finir ses jours au couvent de Juste, de Christine de Suède, 1654, qui se retira à Rome, de Casimir V, roi de Pologne, 1667, de Stanislas II, roi de Pologne, 1795. Comme on peut le voir en lisant cette liste, Bien rares sont les pantins royaux qui ont abdiqué sans y être contraints et forcés. Les tyrans sont de ces gens qui disent cérémonieusement qu'ils s'en vont quand on les met à la porte. J'ai trouvé, tu vas rester près des notre terre sous les lampions, dans les abysses lysergiques d'une grande manie tout petit color, telle une toupie hystérique. Au soleil rose, j'apprends mon corps. Puis elle a commencé à voir le tapis grouillé de serpents, les murs se déformer, les visages se rétrécir autour d'elle. Jean ensuite a vu le plafond couler comme si le plâtre n'était pas pris. Puis il s'est cru au bord de la mer. Quatre heures plus tôt, ils avaient croqué chacun un sucre imbibé de 250 millionièmes de grammes de LSD.